Pendant la belle saison, il survient parfois des avaries, comme l'infiltration d'eau. Pour tous travaux de construction ou rénovation après sinistre, faites confiance à ProNet, communément appelé GUS, de vrais spécialistes dans le domaine. Plusieurs véhicules d'urgence 24 heures sur 24, nettoyeurs d'air et de conduite de ventilation. Pour rejoindre les pros de ProNet, 418-679-4178. Monsieur Régent Côté souhaite la meilleure des chances aux équipes qui participent au championnat québécois de vélo de montagne, ainsi qu'à la Coupe du Québec de vélo de montagne. Participez en grand nombre au Saint-Prime Open qui se déroulera cette année du 19 au 20 juillet au club de golf de Saint-Prime. Ayez la chance de jouer la mafia d'ouverture du 19 juillet ou le Saint-Prime Open Formule Vegas à 4 joueurs. Pour plus de détails, visitez la page Facebook du club de golf Domaine Lac-Saint-Jean ou contactez Roger Caron au 251-2831 poste 27. Vous désirez vous évader au cœur de la nature, vous endormir au pied des chutes, en couple ou en famille, et ce, avec tous les services compris? Visitez lechutealour.com et découvrez le site touristique de la Chute à Lourdes, notre camping nature au cœur du lac Saint-Jean. On va parler de soccer avec une table ronde avec deux sommités du soccer au Québec. On sait que c'est la Coupe du Monde, la finale qui aura lieu vendredi en Russie. Notre collaborateur Benoît Lavoie est là-bas en Russie d'ailleurs. On va parler avec d'abord, avec il a été avec moi tout au long de, cette Coupe, Jean Gounel du Réseau des Sports. Bonjour Jean. Bonjour. Et celui qui remplace Benoît aujourd'hui, puisque je pense pas que la technique pouvait être capable de faire en direct de Moscou, ben c'est Francis Millier que vous avez déjà entendu. Bonjour Francis. Oui, bonne journée. Oui, d'abord, si on parlait d'abord de cette Coupe du Monde-là, on va commencer avec M. Millier, parce que j'ai parlé avec Jean régulièrement. Comment vous avez trouvé cette Coupe du Monde-là? Très intéressante. Oui. Peut-être surprenante sur certains côtés, mais pas nécessairement toujours des grosses surprises. Mais très intéressante parce que beaucoup de matchs ont été indécis et se sont décidés jusqu'au bout, soit prolongation ou pénalty ou autre. Mais mis à part 2-3 scores qui ont été assez larges d'un adversaire vis-à-vis de l'autre, tout le reste a quand même été assez disputé âprement. Et je pense que c'est ça qui a rendu la quasi-majorité des matchs très intéressants. Moi, ce que j'ai remarqué, Jean, tu me corrigeras, je me trompe, cette année, c'est les demi-finalistes, le Final Four qu'on appelle, là, le carré d'or, c'est 4 équipes européennes. Et c'est ça que j'ai remarqué le plus, moi. Oui, ça, c'est un des éléments qu'on pouvait présager. Disons que avant le tournoi, hors Europe, l'équipe qui semblait la mieux armée était le Brésil. Que le Brésil soit pas parvenu. C'est difficile de dire une surprise quand on voit le niveau des autres et quand on voit le tableau dans lequel ils étaient tombés. On pourrait se dire que, par exemple, la Belgique, par exemple, la France, auraient été de très très sérieux adversaires et avaient les moyens vraiment de les contrecarrer. Mais sinon, c'est une Coupe du Monde où les équipes européennes ont nettement montrer qu'elles avaient ce qu'il fallait pour gagner ces matchs dont Francis parlait un petit peu plus tôt, serrés. Elles ont su toujours chercher le petit plus, hein, le quelque chose. On pense à l'Angleterre contre la Colombie, la France contre l'Uruguay. Il y a eu toujours des moments où elles ont su faire pencher le match de leur côté, ou bien sûr la Belgique contre le Brésil. Oui. Francis, je veux t'entendre là-dessus. Est-ce que le fait que l'Espagne n'est pas là a quand même sorti rapidement, le fait que l'Italie n'était pas là, le fait également que le Brésil, l'Argentine, toutes les grandes, l'Allemagne aussi, les grandes puissances, l'Allemagne qui était classée numéro 1 avant le début de la Coupe du Monde, ça fait du bien de voir des nouvelles comme des nouvelles menaces comme l'Angleterre, comme la Belgique, la Croatie qui va être en finale. Ça fait du bien pour l'évolution du foot, là. Absolument, c'est une émergence très intéressante. Et ce que l'on peut dire, et surtout à travers cette Coupe du Monde, c'est qu'il n'y a personne qui peut se dire à l'avance « Ah, ben aujourd'hui, je vais gagner ». Si tu veux gagner, il faut que tu travailles, il faut que tu travailles deux fois plus fort. Il faut que tu sois aussi parfois chanceux, parce que la chance, la réussite, faut que tu te la fasses, mais si tu ne l'as pas, tu risques de le payer cher. Et aussi, il faut que ceux qui sont appelés à faire des petits exploits, pourrait-on dire, bien, soient vraiment capables de faire la différence. Et c'est pour ça qu'on a vu des équipes comme l'Argentine tomber ou autres, et même peut-être un peu le Brésil aussi, parce que ceux qui devaient faire la grosse différence ne l'ont pas faite, alors que du côté de la France, par exemple, Mbappé a donné ce qu'on espérait de lui, et même plus. Et je pense que dans des matchs où il y a vraiment égalité entre les deux équipes, ben, c'est celui qui est la vedette de l'équipe, qui performe, qui fait la différence. OK. Jean, si on parlait de l'équipe, je sais que les Français ne veulent pas en entendre parler, l'équipe de France actuellement, mais l'équipe de 98 qui a remporté la Coupe du Monde, c'était en France d'ailleurs, et celle de cette année, est-ce que l'équipe de cette année est meilleure ou c'est plus une question de chimie cette année? C'est pas comparable. C'est pas comparable du tout. L'équipe, chimie, je pense que les deux ont certains points communs. Hein, c'est que on voit un groupe qui s'est forgé à travers, disons, un parcours avant la Coupe du Monde et où les pièces se sont définitivement mises en place au fil des matchs durant le tournoi. Les deux ont connu, par exemple, un Euro 2 ans avant où beaucoup de choses se sont mises en place. Hein. Pour la France, c'était en 96 où ils sont allés en demi-finale. Ils avaient été battus au tir au but par la République tchèque. Alors que tout se mettait tranquillement en place, hein, avec Zidane, avec Djorkaeff, avec la défense. La même chose est arrivée il y a 2 ans avec l'Euro disputé en France où les Français étaient favoris pour l'emporter et où ils sont un petit peu mis les pieds dans le tapis lors de la finale. Donc il y a des ressemblances. Il n'y a peut-être pas le même type de personnalité dans le groupe actuel. Il y a moins de personnalités qui ressortent. Bien sûr qu'il y a Pogba, hein, c'est sûr, au niveau individualité, au niveau fort caractère. Mais sinon, je vois pas mal de ressemblances d'une certaine façon, même si, encore une fois, il faut chaque équipe, chaque épopée, je dirais, se mérite en elle-même. Quoi. C'est ça la différence. Aussi, oui, Francis. Aussi, si tu permets, l'équipe est un peu plus jeune de caractère aussi, et elle a moins peut-être d'expérience qu'en 98. Toutefois, la France joue un peu comme l'Italie l'a fait dans plusieurs Coupes du Monde. On commence pianissimo, puis on y va progressivement de mieux en mieux. Et je pense que le début de la France, que ce soit le 2-1 de l'Australie, le 1-0 contre le Pérou, et le 0-0 avec le Danemark, ils ont pas débuté très... Êtes-vous là? Et je pense que c'est ça qui fait un petit peu aussi leur force actuellement. Et c'est pour ça que les gars qui sont plus jeunes viennent la chercher match après match, l'expérience nécessaire pour performer au plus haut niveau. Francis, moi j'écoute de temps à autre, surtout beaucoup plus durant la Coupe du Monde, ce que les Français disent à RMC. Et je sais que par les années passées, les dernières Coupes du Monde, ce qui marchait pas, il semblait avoir des grosses têtes dans l'équipe française. Il semblait avoir la chimie n'était pas bonne. L'entraîneur en avait plein les bras. C'est Raymond Domenech, je pense, à l'époque, qui était le sélectionneur puis qu'il avait eu de la misère. Est-ce que cette année, la chimie semble beaucoup meilleure, hein? Je pense qu'ils ont réussi à travailler l'esprit de groupe. Ouais, hein. Didier Deschamps, c'est quand même une de ses forces aussi. Quand il était joueur et capitaine ou autre, c'était pas pour rien. Il n'a pas nécessairement été le meilleur joueur de l'équipe de France à tous les niveaux, mais sur ce côté-là, il arrivait vraiment à garder l'esprit de groupe et c'est dans son caractère à lui. Alors c'est sûr qu'il a su insuffler ça à son équipe de cette Coupe du Monde. Okay. Et on sent beaucoup plus sur le terrain une équipe que 11 individus, aussi bons soient-ils, qui essayent de performer. Ah. Et l'équipe de France 98 était peut-être un peu l'exception parce que aussi ils avaient réussi à travailler collectivement. Oui. Jean, est-ce que la Croatie, est-ce qu'ils ont joué 3 matchs, l'équivalent d'un match, ils ont joué 3 périodes de prolongation, l'équivalent d'un match de plus que les Français, ils ont joué une journée plus tard. Les Français ont disputé le match mardi, les Croates mercredi. Est-ce que ça, c'est un désavantage pour la Croatie? on va le présenter autrement, on va dire, c'est certainement pas un avantage. Ouais. Faut me remettre dans le contexte, hein. C'est un match, l'équivalent d'un match. L'équivalent d'un match. D'un match de plus en moins d'un mois, et même sur une période encore plus courte, hein, sur les deux dernières semaines, et c'est sûr que il y a un temps moindre qui va être consacré à la mise en place du match, et on va privilégier avant tout la récupération, les soins. Il est sûr que 24 heures de plus et une prolongation en moins pour la France, ça va leur permettre quand même, ça leur donne une autre façon de préparer la finale, c'est évident. Maintenant, on a vu que la Croatie, on disait la même chose avant la demi-finale, et la façon dont ils sont sortis, on n'est plus rien maintenant, on n'ose plus rien dire maintenant, hein, effectivement, parce que c'est une équipe qui est allée chercher des ressources absolument incroyables. Ok, est-ce que la Croatie, c'est un esprit de groupe incroyable? C'est ça qui a fait la différence, Francis, hein? Ben, c'est surtout leur caractère. Ouais, hein? Ils ont une qualité technique reconnue depuis toujours, et aussi ils ont un caractère assez vindicatif qu'ils arrivent à mettre sur le terrain. Hein, tu viens de parler de la fatigue, c'est vrai que ça ne peut pas les aider, mais on les connaît un peu, et quand ils sont le dos au mur, là, cet instinct de survie, ils sont capables de le sortir, et ils vont donner tout ce qu'ils ont. De toute façon, il n'y a pas de lendemain. Ouais. Gagne ou perd, demain, il n'y a plus de match. Ouais. Alors, ils vont vraiment donner le maximum, et c'est sûr que si ça se prolonge, puis que c'est un peu plus long dans le match, la France aura un léger avantage au départ sur la fraîcheur physique. Mais quand tu joues et que t'as plus rien à perdre, tout ce que tu sais, c'est gagner ou mourir. Ben, ils vont donner le maximum. Et là-dessus, ils sont tenaces, coriaces. Ok. Donc, on va y aller avec les prédictions, Jean. Ouais, écoute, logiquement, je donnerai un léger avantage à la France. Okay. Je donnerai un léger avantage à la France qui possède. Il y a deux, trois petits éléments qui disons, laisse penser que ils peuvent sortir quelque chose sur coup de pied arrêté, où la Croatie n'a pas été particulièrement remarquable. Elle a même laissé passer elle a concédé des buts assez simples là-dessus, que les Français, eux, ont su bien négocier. Alors, on l'a vu contre l'Uruguay, on l'a vu contre la Belgique. Donc ça ne doit pas être négligeable, surtout dans une finale. Je donnerais un léger avantage à la France. Francis? De cœur, mais c'est certain. Ben oui, c'est sûr, c'est sûr. De tête, c'est la France quand même aussi, parce que dès le début de la compétition, et j'ai toujours dit, c'est l'équipe la mieux armée en termes de qualité de joueurs individuels. Le collectif a eu du mal à se mettre en place, mais je pense qu'il a démontré dans les deux derniers matchs notamment qu'ils sont capables de performer. Alors pour une fois qu'on peut être fier de la France parce qu'on est français, mais aussi conscient que c'est une super bonne équipe, moi aussi je lui vois un avantage certain, sinon un certain avantage. J'ai une dernière question. Demain c'est le match pour la médaille de bronze. Est-ce que pour les équipes, je parlais avec Jean au départ, est-ce que c'est un match quand même que l'équipe prend sérieux? Même si c'est une médaille de bronze? Oui. Oui, okay. Oui, je ne sais plus à qui était destinée la question. À Jean. Jean, oh pardon. Okay. Oui. Oui. Il y a forcément un 24-48 heures de gros... Où tout se dégonfle. Hein. Il y a tout ce qui est monté depuis un mois et même plus avec la préparation, les attentes, la montée en puissance, même psychologique, est nerveuse. Tout ça se dégonfle après la demi-finale. Donc il y a forcément cet abattement, et puis les 24-48 heures, on dit troisième place, mais au bout du compte, on voit régulièrement des équipes qui sont remontées pour faire ce match-là, pour montrer qu'elles peuvent faire mieux que toutes leurs prédécesseuses. Pour l'Angleterre, c'est le bout d'un parcours qui a un petit peu réveillé tout le monde derrière son équipe nationale. Ils veulent terminer sur cette note-là, amener Kane au ballon d'or au soulier d'or de meilleur buteur. Il y a un enjeu. Pour la Belgique, c'est certainement mieux d'avoir le meilleur parcours de toutes les sélections belges de l'histoire, puisque leur meilleur résultat, c'était une quatrième place. Donc il y a certains enjeux et puis une certaine fierté, sans parler du fait que tous les gars, on a déjà parlé du nombre de joueurs belges qui évoluent en première ligue anglaise. Donc il va y avoir un autre cachet à cette troisième place aussi, parce que les gars se connaissent tous, beaucoup jouent dans le même club. On regardera par exemple le nombre de joueurs qui jouent à Tottenham tout simplement sur le terrain demain, c'est assez amusant. Mais oui, il y aura un enjeu, il y aura deux équipes qui à mon avis vont sortir. Peut-être qu'aujourd'hui on se dit oh c'est pas trop, ouais. Mais quand ils seront sur le terrain demain, ouais, je pense que oui. Et c'est souvent, très souvent, des matchs de troisième place qui sont plaisants à voir. Ok, tu as quelque chose à ajouter, Francis, là-dessus? Tu sais que tout le monde veut jouer, hein? Alors c'est aussi l'occasion de mettre sur le terrain des gens qui n'ont pas pu participer régulièrement au match. Alors pour l'honneur, ceux qui sont titulaires, ils veulent, ceux qui sont remplaçants veulent aussi. Alors ils veulent tous montrer aussi en même temps leur valeur aux yeux de tous, hein, des recruteurs, des clubs qui regardent ces matchs-là. Ouais. Le budget positif pour la FIFA également, c'est quand même un match de plus à 80 000 personnes ou presque. Alors je pense que oui, ça va être pris au sérieux par toutes les équipes, par les deux équipes en tout cas ici pour la troisième place. Ben messieurs, on va souhaiter une bonne Coupe du Monde. Merci Francis. Jean, j'aimerais ça t'en parler lundi pour le bilan de tout ça. Oui, très volontiers. OK, donc voilà, donc c'était Francis Millien et Jean Gounel qui nous parlaient de la Coupe du Monde.